vit dans un immeuble, coincé au fond de la rue du tondu. En bas il y a un pub où les ivrognes finissent dans leur jus. Madame Asperge, que ma concierge surveille du coin de l'œil tous ces gaillards loin d'être en deuil. La vermine qu'elle dit, il faut qu'elle bosse à l'usine, n'a pas pissé sur mes iris, c'est se moquer de ma Lilis. Lilis, c'est le nom de son caniche. Elle pèse du dos, elle perd ses poils, a de l'eczéma sur les miches. Elle fixe sa maîtresse d'un regard de détresse. Si elle pouvait gémir et lui dire tous ses soupirs. Madame Asperge, que ma concierge surveille du coin de l'œil son manche coincé contre un fauteuil. Ma chouquine qu'elle dit, elle a toujours autant de mine, empaillée par le père Maurice. Elle paraît pourtant bien factice. Maurice, c'est le voisin du dessus. Il les chauffe tout petit, même gris et trapu. Plongé dans le passé du pays où il est né, il écoute toute la journée des musiques pas bien gaies. Madame Asperge, que ma concierge surveille du coin de l'œil l'homme qui la rend un peu moins seule. Toi au moins qu'elle dit, t'es pas comme le couple Gaspard. Les turlupins pas du matin, c'est gros fêtard, c'est salopard. Le couple Gaspard, c'est Lily et Jacques Omar. Ils connaissent bien les nuits folles et les câlins du matin. Ils s'exercent habituellement en fond sonore éclatant. Ils dérouillent machinalement le vieux lit de grand-maman. Qu'habite de tomber Jésus-Christ, qu'elle dit, c'est incroyable tous ces gens-là. Moi en mon temps j'étais frigide, même quand j'ai connu Aristide. Aristide, Aristide. Je vis dans un immeuble coincé au fond de la rue du tondu. En bas y a un pub où les ivrognes finissent dans leur jus.